Sans doute la bête finirait-elle par se dérouler, et saisissant l'instant propice, il lui lancerait un coup de griffe coupant dans le ventre, tendre et désarmé.